parce qu'il y a cette créature qui est, ou ces créatures qui sont censées y vivre. Alors cette histoire de chercher de l'ADN, c'est intéressant d'ailleurs comme idée. Maintenant, il faudrait effectivement qu'ils trouvent un ADN inconnu qui ne corresponde à aucune espèce connue pour vivre dans le lac. Bon, en tout cas, pour l'instant, il y a de la tourbe, ce qui donne parfois au whisky un goût, un goût si fin, hein, whisky écossais. Alors, il est intéressant de voir à quelle époque, d'ailleurs, s'ancre le début de la légende du Loch Ness, en 1934, donc. Je rappelle que l'année précédente, le film King Kong sortait au cinéma et connut un immense succès. Le monde perdu de Conan Doyle est depuis 20 ans le livre de chevet des Britanniques. Ce sont aussi les débuts de l'ufologie. Alors ça, c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a un parallèle, moi, avec l'ufologie, avec les ovnis, parce qu'il y a des témoignages sérieux, en tout cas sincèrement sérieux. Les gens ne viennent pas pour dire des bêtises pour s'amuser à le faire, c'est pas du gag. Et je trouve qu'il y a un vrai parallèle. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Il y a un parallèle, il y a des gens qui sont absolument sérieux et sincères quand ils parlent d'objets volants non identifiés, de soucoupes volantes. De même qu'il y a des gens parfaitement sincères qui parlent du monstre qu'ils ont vu dans le Loch Ness. C'est pas toujours des canulars ou des fraudes volontaires. Il y a une base de récits sincères qu'on ne peut pas éliminer. Ça veut pas dire qu'il y a une réalité derrière ces récits, mais la sincérité des témoins, à mon avis, ne peut pas être mise en doute. Mmh. Pensiez-vous vous en sortir après cette interview sans que je vous demande maintenant, vous, à vous, le scientifique, le sociologue, si le monstre du Loch Ness existe ou pas, à votre avis? À mon avis, c'est peu probable. C'est peu probable pour des raisons qui ont été très bien expliquées dans le récit. C'est que ce lac, depuis 1933, a fait l'objet d'un très grand nombre d'études sérieuses, scientifiques, avec une technologie avancée, sans qu'on ne trouve rien de tangible. Sans parler des raisons théoriques qui font que c'est difficile à imaginer, parce que, comme cela a été dit, c'est un lac qui n'a pas une productivité biologique immense, et on voit mal comment il pourrait nourrir une population de très gros animaux. Donc il y a toutes sortes de raisons qui conduisent à douter de l'existence de Nessie. Hélas, peut-être. Hélas, bah oui. En 1991, dans l'émission Animalia sur France 2, le cryptozoologue dont on a tant parlé pendant le récit, Bernard Heuvelmans, énonce ses conclusions. Alors, il a énoncé plusieurs fois les conclusions. Mais ça, ce sont celles de 91 qu'on va entendre. On les écoute. Pour moi, c'est une affaire un peu réglée. Il s'agit de mammifères, incontestablement, et d'après une étude, une analyse approfondie, je suis arrivé à la conclusion que c'était une sorte de pinnipède, donc le groupe qui contient les phoques, les otaries et le morse. Un pinnipède à long cou, si vous voulez, un éléphant de mer, d'ailleurs pas plus grand qu'un éléphant de mer, mais qui aurait un cou de girafe. Ces animaux sont un des types de ce qu'on appelle les serpents de mer. Les serpents de mer ne sont pas des serpents, ce sont généralement même pas des reptiles, mais ce sont des mammifères. Aussi parfois des cétacés archaïques. Un pinnipède à long cou de la famille des morses et autres phoques, qu'en pensez-vous? J'en pense que c'est assez typique des conclusions que Bernard Heuvelmans pouvait tirer. J'ai connu Bernard Heuvelmans à la fin de sa vie. C'était quelqu'un qui avait une très grande culture zoologique, qui connaissait vraiment beaucoup de choses, qui avait fait des recherches très approfondies sur une grande quantité de créatures mystérieuses, mais qui quelquefois se laissait un peu emporter par son imagination et qui, je crois qu'il voulait croire à la plupart de ses récits sur des créatures mystérieuses. Et donc il avait tendance à élaborer des explications qui scientifiquement n'étaient pas forcément absurdes, mais dans le cas du Loch Ness, qui manque quand même de bases concrètes. Mmh. Et on voit mal comment ces pinnipèdes mystérieux vivraient dans ce lac sans qu'on les voit plus souvent. Parce que, effectivement, il faudrait qu'ils viennent respirer à la surface beaucoup plus fréquemment. Il faudrait qu'ils viennent à terre pour se reproduire, etc. Donc, l'explication est ingénieuse, mais elle est difficile à croire. Alors, Nessie, on l'aime bien, s'il existe. Alors, peut-être qu'il pense qu'il est seul à exister, à nous fasciner. Mais il n'est pas seul. Il y a de la concurrence, figurez-vous. Parce qu'il y a un autre monstre, lacustre, fameux, le Mokele